Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 79. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et, a priori, nous serions ce matin, le dimanche 20 mai 2007, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es crèche à Bethléem ou Golgotha à Jérusalem. Tu es baptisé dans le Jourdain, tu es pêche miraculeuse, tu es sensuaire, tu es l'évangile selon saint Matthieu et tu es aussi... Que celui d'entre vous qui est sans péché, que celui-là jette la première pierre. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à deux doigts de m'agacer. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es Jésus de Nazareth et tu marches sur l'eau. Alors, ce week-end, les chrétiens célèbrent l'Ascension qui, selon les saintes écritures, désigne le moment où Jésus-Christ fut élevé au ciel devant ses disciples. Ainsi, à l'heure de la messe, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, pendant 53 minutes, de s'intéresser à un tiers de la Sainte Trinité, à savoir le Fiston. Et pour commencer, des manuscrits de la Mère Morte au Fils du Père Éternel, il faut s'interroger sur l'évolution des différentes représentations du Christ à travers les siècles. Ensuite, durant quelques minutes, nous essaierons de t'offrir une petite relecture des évangiles à la sauce panique, bien sûr. On enchaînera d'ailleurs par une petite merveille surréaliste dans laquelle Salvador Dali lui-même viendra nous expliquer pourquoi Jésus est une montagne de fromage. Et puis, dans la foulée, nous te dévoilerons qu'en réalité, Jésus est partout encore aujourd'hui. Seulement voilà, où crèche-t-il exactement, bon sang ? Et enfin, te raconter comment Monique et Jean-Claude se sont retrouvés jeudi dernier dans un monastère où ils ont bien cru rencontrer le Messie, figure-toi. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son, lève-toi et marche. Please contact the nearest police station. Ma Baker, c'est ce que psalmodie en 1977 le groupe disco Bonnet M, parce que Baker, en anglais, ça veut dire boulanger. Et c'est clair, le jour où Jésus a eu l'idée de multiplier les pains, la boulangère de Galilée, elle a porté plainte pour concurrence déloyale. Alors, ce matin, à l'heure de la messe, la panique au Mangin Palace a donc décidé de partir à la rencontre de Jésus, le Messie des chrétiens. En effet, jeudi prochain sortira en librairie un ouvrage de Benoît XVI intitulé « Jésus de Nazareth ». Et oui, Ben 16 est à la recherche du succès de Dan Brown et de son Da Vinci Code. Le personnage de Jésus, si son historicité ne fait plus polémique, reste cependant un mystère. En effet, outre quelques mentions chez des auteurs païens, l'essentiel de nos informations provient des évangiles, ces textes canoniques reconnus par l'Église. Pourtant, de nombreux détails, souvent intégrés à la tradition chrétienne, se trouvent en réalité dans les apocryphes, ces textes considérés comme non authentiques par les autorités religieuses car, soi-disant, leur écriture n'aurait pas été inspirée par Dieu. Il n'empêche que ces évangiles apocryphes existent et qu'on y trouve parfois des détails troublants sur l'existence du Christ. Car-tu Jésus, il était encore jeune, il portait sa croix sur sa petite épaule. Quand il savait ses leçons, on lui donnait des petits bonbons, un petit bouquet de fleurs pour mettre son petit cœur. Saint-Joseph le carpenteur qui mangeait des chips. Ah, dis-moi papa, veux-tu bûcher du bois pour faire des petits pois? Trois petits pois, pois, pois, pois. Saint Joseph le Carpenteur serait donc le vrai père de Jésus. C'est ainsi qu'une des premières tâches de l'Église primitive fut donc de mettre en ordre toutes les traditions christiques. Lors du concile de Nicée en 325 de notre ère, une partie du dogme fut fixée, mais les débats sur la nature réelle du Christ se poursuivirent durant tout le Moyen-Âge. Le rire est le propre de l'homme. Comme le péché, le Christ n'a jamais ri. En sommes-nous si sûrs? Rien dans les Écritures n'établit que notre Seigneur ait ri. Rien dans les Écritures n'établit que notre Seigneur n'ait pas ri. On sait que les saints eux-mêmes usaient de la comédie pour ridiculiser les ennemis de la foi. Par exemple, quand les païens mirent saint mort dans l'eau bouillante, celui-ci se plaignit que le bain était trop froid, le sultan y plongea les doigts et s'ébouillant à la main. La plupart des hérésies portent donc sur la nature du Christ. Est-il un homme? Est-il un Dieu? Pourtant, au fur et à mesure que se fixe le dogme, l'Église fournit des réponses à toutes les interrogations. Oui, il ne peut y avoir qu'un seul Jésus, le Christ Tout-Puissant. Superstar, ok, mais les théologiens romains n'insistent pas trop sur le fait que Jésus était un juif et qu'il est mort juif. Traduction, il n'a jamais été chrétien. Il en va de même pour la représentation de Jésus, un homme du Moyen-Orient qui s'européanise peu à peu. Il faut dire que nous possédons évidemment aucun portrait authentique de Jésus, ni bien entendu aucune relique corporelle, si ce n'est le saint prépuce, le saint ombilique et quelques gouttes de sang. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir cherché des souvenirs de son passage sur Terre. Vous êtes Joseph d'Arimathie. Vous vous pointez devant Jésus qui pisse le sang. Dans quoi vous le récupérez le sang? Dans un bocal anchois. Déjà pour la contenance, je peux pomper un demi-gallon de sang, je suis tranquille. Et surtout qu'après, je peux refermer le bocal. J'en fous pas de partout dans mon sac. Si Joseph d'Arimathie a pas été trop con, vous pouvez être sûr que le Graal, c'est un bocal à anchois. Il est évident que le Graal est un bocal à anchois. Une déduction logique et scientifique. C'est d'ailleurs la science qui va donner à Jésus un nouveau visage. En effet, au XIXe siècle, le positivisme ambiant et la volonté de tout expliquer par la science aboutissent à la publication en 1863 de La vie de Jésus, où Ernest Renan fait la biographie de Jésus expurgée de la métaphysique et du miraculeux, une vraie surprise. Un jour, j'entrais chez une dame jeune et ravissante, mais que je ne considérais pas comme une intellectuelle, et je fus extrêmement surpris de la trouver chez elle en train de lire. Mais ma surprise fut bien plus grande encore lorsque je m'aperçus que le livre qu'elle lisait était La vie de Jésus de Renan. Alors je lui ai dit, non, vous lisez La vie de Jésus de Renan? Mais oui, je trouve ça admirable, vraiment. Oh, admirable, admirable. Alors je lui ai dit, mais est-ce que vous en êtes déjà arrivé au moment où... Alors elle m'a coupé la parole pour me dire, ah, surtout, ne me dites pas comment ça finit, mon Dieu. En effet, ça finit bien ou mal selon les croyances. On s'y perd un peu, mais il faut dire que l'image de Jésus est indissociable de ce qu'en a fait l'Église. Et ça, c'est les théologiens qui en parlent le mieux. D'ailleurs, pour y voir un peu plus clair, écoutons maintenant le jésuitique François Mitterrand. Le Christ était du côté des pauvres, l'Église était du côté des riches. Le Christ était du côté des opprimés, l'Église est passée du côté des oppresseurs. Elle est devenue d'ailleurs oppresseur elle-même. Et le grand drame du christianisme, c'est qu'au moment où est née la société industrielle, au moment même où naissait à la vie sociale ce fait nouveau qui s'appelle le prolétariat, ces millions d'hommes et de femmes et d'enfants arrachés à la société pastorale pour devenir les nouveaux esclaves du monde industriel, l'Église était absente, elle ne les a pas défendus et ne leur a pas apporté tout simplement le message du Christ. Eh oui, à force de ne plus apporter le message du Christ, forcément, la cote de Jésus a baissé, notamment au profit du culte de la Vierge. Et pourtant, certaines grandes congrégations tentent de maintenir en vie la tradition christique, comme à Paris en 1975. Première représentation hier soir sur le parvis de Notre-Dame de Paris, de la crèche vivante de Radio France. Une première réussie, malgré le froid assez vif. Le public nombreux a longuement applaudi cette reconstitution minutieuse d'une enluminure du Moyen-Âge, cette crèche vivante dans laquelle ne manque ni le bœuf, ni l'âne, ni l'agneau, offert par le département du Cantal. C'est la première dame de France, Madame Giscard d'Estaing, qui a inauguré cette première en compagnie de Messieurs André Rossi, secrétaire d'État à l'information, Bernard Lafay, président du Conseil de Paris, et de Madame Jacqueline Baudrier, PDG de Radio France. Une crèche universelle aussi, puisque les rois mages sont gabonais, japonais et tunisiens. À ce spectacle gratuit qui se déroule tous les soirs à partir de 18h30, participent également 20 chorales de la région parisienne et de grandes vedettes de la chanson telles que Gilbert Bécaud, Dalida, Mireille Mathieu ou Nicoletta. Alors, ça donnerait quoi aujourd'hui une crèche vivante de Radio France? Eh bien, imagine Nicolas Demorand en Enfant Jésus, Agnès Bonfillon en Vierge Marie et Frédéric Bonneau en Joseph le Charpentier, et la panique fera les rois mages. Vivement Noël prochain donc, pour profiter de ce véritable show à l'américaine à l'occasion de ce jour saint qu'est la nativité, ce holiday. Holidays, oh holidays, c'est l'avion qui descend du ciel et sous l'ombre de son aile, une ville passe que la terre est basse. Oh, holidays, holidays, oh, holidays, des églises et des HLM, qui fait-il le Dieu qu'ils aiment, qui vit dans l'espace, que la terre est basse, oh, holidays, holidays, oh, holidays. De l'avion, l'ombre prend la mer comme une préface, avant le désert, que la mer est basse. Oh, holidays, holidays, oh, holidays, tant de ciel et tant de nuages, tu ne sais pas ton âge, toi que la vie lâche, que la mort est basse. Holidays, dans une version orientale raffinée interprétée par la sublime Sushila Raman. Mais attention, car en vérité, je te le dis, il faut rendre à Michel Polnareff ce qui est à Michel Polnareff. Alors maintenant, après avoir survolé l'évolution des différentes représentations du Christ à travers les siècles, il est temps désormais, toujours en direct du Mangin Palace, d'essayer de t'offrir une petite relecture des Saintes Écritures. Oui, mon ami, quelle fut en réalité la vie de Jésus ? Certes, tu connais sans doute déjà les évangiles selon saint Matthieu, saint Marc, saint Jean ou saint Luc. Mais comme on te l'a dit, il existe également tous ces évangiles apocryphes, ces textes considérés comme non authentiques par la doctrine de la foi. Eh bien, figure-toi qu'il est parfois surprenant d'approfondir l'étude de ces textes mystérieux. C'est ainsi que nous avons décidé ce matin de te révéler ces quelques aspects méconnus de la vie de Jésus. Cela dit, qu'ils soient authentiques ou apocryphes, les évangélistes s'accordent tous Sur un point crucial, c'est bien l'archange Gabriel qui serait venu rendre visite à la Vierge Marie pour lui annoncer que le Fils de Dieu serait en effet le fruit de ses entrailles. En revanche, sais-tu quelle fut la réaction de Sainte Anne, la grand-mère de Jésus, lorsqu'elle découvrit quelques semaines plus tard que sa fille Marie était enceinte? Eh bien, elle fut pour le moins surprise, bien plus qu'on ne le dit d'ailleurs. Je voyais bien que votre ventre s'arrondissait. Mais madame, je vous jure que j'ai jamais couché avec un garçon. Rappelez-vous, vous êtes bien sortie une fois avec un garçon. Mais non, madame, je vous jure que j'ai jamais sorti avec un garçon. Je ne sors jamais avec les garçons. Vous êtes bien allée au bal un soir. Mais non, madame, je vous jure, je ne vais jamais au bal. Ils vous ont peut-être fait boire. Je bois jamais. Mais madame, je vous jure que j'attends un bébé. Ça, c'est sûr. Mais que je n'ai jamais couché avec un garçon. Mais enfin, Marie, c'est impossible. Eh oui, vois-tu, même Sainte Anne, la grand-mère de Jésus, eut du mal à croire que ce charpentier nommé Joseph n'y était pour rien dans la conception de cet enfant divin. Mais bon, quelques mois plus tard, il n'y a pas que Sainte Anne qui fut sceptique en Palestine. Alors rapidement, tourisme, à Bethléem, tous les records d'affluence sont battus. Il est impossible de trouver un lit. On cite même le cas d'un couple dont la femme attendait un bébé et qui n'a pu trouver de chambre. Le mari, charpentier, a dû conduire sa compagne dans une étable où celle-ci a donné le jour à un garçon. Qu'est-ce qu'ils nous mettent comme conneries à la télé? Regarde ça. Un gosse qui est né dans une étable. Qu'est-ce que ça nous fout? C'est attendrissant. Regardez comme il est mignon. Oui, ça, il faudrait le voir dans 30 ans. Mais c'est un garçon, c'est déjà ça. Ouais, mais c'est des conneries. Il ferait mieux de mettre du sport. Un gosse qui est né dans une étable à Bethléem, franchement. Tu crois que ça va changer la face du monde, quoi? Bah quoi, j'ai dit une connerie? Un gosse qui est né dans une étable à Bethléem, ça va changer la face du monde? Et pourtant, comme chacun sait, ce môme allait bel et bien changer la face du monde. Après avoir été baptisé par un cousin gentilhomme, M. Jourdain, Jésus s'entoura d'une équipe de football avec un remplaçant brésilien, Judas Digno. C'est ainsi que sur les routes de Galilée, de prêche en guérison et de prière en miracle, on a encore du mal aujourd'hui à imaginer tout ce que Jésus a inventé. Jésus-Christ dit qu'on m'apporte quelques pains, quelques poissons, je les multiplie par millions et les Hébreux se réconfortent. Jésus-Christ a donc quelle malice inventé le self-service. Alléluia, alléluia. Et puis, après avoir changé l'eau en vin à l'occasion des noces de Cana, les apôtres insistèrent pour que Jésus réitère cet exploit. C'est ce qu'on appelle communément les noces de Cana bis. Mais là, le Christ refusa et décida plutôt d'organiser un dernier dîner chez lui. Les voilà, c'est vous quelle merveille. Par ici, les manteaux, par là, les bouteilles. Les amis sont tous des amis. Seulement voilà, alors que ce dernier repas s'achevait paisiblement et que le Christ généreux distribuait les restes aux apôtres, prenez-en tous, dit-il, la police est intervenue pour tapage nocturne sur dénonciation de Judas Digno. S'en est suivi un injuste procès, une affreuse condamnation, bref, un véritable chemin de croix qui a détruit Jésus. Jésus-Christ est mort dans son lit, à Montfavet, dans le Vaucluse. L'homme qui, depuis 30 ans, se prenait pour Jésus, le Christ de Montfavet, est mort le jour de Noël. Il avait 78 ans. Dieu est donc mort le jour de Noël, c'est ce que l'on affirme à Montfavet, ce petit village proche d'Avignon. Dans les années 50, Georges Roux, qui était à l'époque inspecteur des PTT, avait soudain déclaré un beau matin qu'il était Jésus-Christ. Il était allé voir sa maman, qui lui avait dit « Eh bien, moi, je suis la Sainte Vierge ». Depuis, Georges Roux s'est trouvé au moins 15 000 personnes pour le croire et fondé avec lui une sorte de secte, l'Église universelle. Après sa mort, Jésus a été enseveli. Il est descendu aux enfers, mais le troisième jour, il est ressuscité des morts, puis il est monté aux cieux et s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. C'est ainsi que depuis, À chaque fin de millénaire, les chrétiens prient pour l'avènement de son royaume et espèrent enfin le retour de Jésus sur terre. J'y ai longuement réfléchi, mes enfants, et vous avez raison. J'ai bien relu la Bible et elle annonce effectivement qu'un grand événement doit se produire en cette fin de millénaire. J'ai aussi vu mon père, je lui ai parlé et il comprend que le millénium soit une date importante à vos yeux. Ainsi, vous qui croyez en moi serez récompensés. Alors, pour le réveillon demain soir, pour dire adieu à 99, le grand chanteur Rod Stewart a accepté de faire son retour sur scène au Casino Hotel Le Rio à Las Vegas et nous irons tous te voir. On savait que tu pouvais le faire, Jésus. Eh oui, c'est ainsi, mais désormais le Christ aime le rock et Las Vegas. Alors maintenant, pour enrichir notre vie de Jésus totalement surréaliste, la panique au Mangin Palace a déniché une petite merveille de Salvador Dali qui va t'expliquer, à sa manière bien sûr, pourquoi Jésus est une montagne de fromage. Prête l'oreille et tends l'autre joue, Dieu te les rendra. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Dernièrement, des jésuites qui ont venu me voir, ils m'ont demandé pourquoi je peignais des montres-molles. Alors, aussitôt, j'ai répondu que je peignais des montres-molles parce que j'étais mystique. Alors, ils m'ont dit, mais quel rapport entre le mysticisme et les montres-molles? Et j'ai répondu, parce que les montres-molles sont comme du fromage et surtout comme le camembert, quand il est tout à fait à point, c'est-à-dire qu'il a la tendance de commencer à dégouliner. Et alors, il dit, mais quel rapport entre le fromage et le mysticisme? Alors, Dali a répondu une chose sublime. Il a dit, parce que Jésus, c'est du fromage. Alors là, il y a eu un certain malaise de la part des jésuites. Mais comme que je suis très jésuitique moi-même, je savais déjà que cette chose, c'était Saint-Augustin qui l'avait dit avant Dali. Et alors je leur ai cité un psaume de la Bible dans lequel on parle de Jésus en le comparant à une montagne. C'est très long, mais ça commence en disant « Montus coagulatus, montus fermentatus, montus... » Enfin, c'est une série de montagnes toutes lesquelles ils ont les attributs et les vertus caractérisées et ammoniacales du fromage. Et rien d'autre que Saint-Augustin, il dit, il écrit textuellement que ce passage, il faut l'interpréter que Jésus, ce n'est pas une montagne de fromage, mais c'est des montagnes, et de montagnes de fromage. Et au bout de 3 jours, j'ai reçu une lettre en disant, vous aviez tout à fait raison, il m'a envoyé la citation exacte de Saint-Augustin que moi-même, je ne connaissais pas très bien. Et naturellement, si ça aurait été Dali tout seul qui aurait dit que Jésus c'était du fromage, ça n'aurait pas marché du tout. Mais si Saint-Augustin, alors tout le monde est forcé de dire que quand même, c'est pas aussi fou, ni aussi paranoïaque que ça. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel all right. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Thank you. Dance Tonight, c'est ce que propose cette année l'un des premiers apôtres du rock'n'roll, l'ex-Beatles Paul McCartney. Son vieux complice John Lennon avait d'ailleurs déclaré en 1966 que désormais, ils étaient plus célèbres que Jésus lui-même, énorme scandale à l'époque. Alors maintenant, pour prolonger nos aventures messianiques, il est temps désormais de te révéler que depuis quelques semaines, Jésus est omniprésent. Mais il faut bien le connaître pour savoir où il crèche exactement. Ainsi, tentons, si tu le veux bien, de découvrir où il se cache. Bien sûr, les chrétiens savent très bien que pour trouver Jésus, il suffit d'entrer dans une église et de sentir la présence du Christ dans la flamme du Saint-Esprit qui se consume à proximité du tabernacle. De la même manière, lorsque le prêtre célèbre la messe, la transsubstantiation s'opère. Autrement dit, l'hostie devient réellement le corps du Christ. Mais bon, il faut bien s'imaginer que le tabernacle est un espace très étroit. Du coup, depuis quelque temps, le Fils de Dieu s'ennuyait ferme dans son minuscule réceptacle. C'est ainsi que dans le plus grand secret, l'Esprit de Jésus a choisi les contrées de la fille aînée de l'Église pour se manifester à nouveau. Sa première apparition publique remonte visiblement au 1er mai, à la périphérie de Paris, dans un stade plein à craquer. Et maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimons-nous les uns les autres. Construisons ensemble. Vive la République. Vive la France. Et si vous vous aimez les uns les autres, tout le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. En vérité, je te le dis, le 1er mai donc, le cœur de Jésus penchait à gauche. Seulement voilà, son père est intervenu rapidement pour lui rappeler au fiston que l'église, elle, est plutôt à droite et qu'il fallait donc impérativement soutenir l'autre candidat. Ne pouvant se soustraire à l'autorité divine du paternel, Jésus n'a donc pas eu d'autre choix que de se rallier à Nicolas Sarkozy. Du coup, on comprend mieux ce que signifiait l'euphorie de la jeunesse UMP ce dimanche 6 mai, place de la Concorde. Tu étais venu en car, au cœur du mois d'août, pour chercher un peu d'espoir dans ce monde fou. Au détour d'une prière, dans un amour immense, nos deux mains se rencontrèrent, chantons à l'abondance. Nathalie, mon amour des JMJ, seras-tu cette année au pèlerinage de Chartres? Nathalie, ne dis pas non, mais si, grâce à qui nos deux vies se détartrent. Et puis, après l'élection du nouveau Messie, donc, le Seigneur Jésus, lui, est allé rendre visite à Président Chirac pour l'aider à rédiger sa dernière allocution télévisée. C'était lundi dernier et figure-toi qu'il y avait un message subliminal concernant les prochaines élections législatives. Mes chers compatriotes, restez toujours unis et solidaires. Et je veux vous dire... Jésus-Christ, un jour tu vas revenir. Est-ce que tu iras t'inscrire dans un club de catholiques? Est-ce que tes gosses, ils iront chez les scouts? Est-ce que toi aussi, tu voteras à droite? Alléluia! Bien sûr, nous sommes profondément divers, bien sûr. Mais nous devons, dans le dialogue, nous retrouver sur l'essentiel. Dans la foulée de cette allocution cocasse, vers 20h15 donc, Président Chirac, investi désormais par l'Esprit de Jésus, est allé saluer une dernière fois ses plus proches collaborateurs. Allez, comme des agneaux parmi les loups, faites des disciples de toutes les nations. Enseignez-leur l'évangile et les commandements que je vous ai laissés. Maintenant, je vais de nouveau quitter le monde. Ô Seigneur, reste avec nous. La nuit tombe déjà. Ne craignez rien. Je serai avec vous chaque jour. Jusqu'à la fin des temps. Et puis, le lendemain, nous étions mercredi, jour de la passation des pouvoirs entre président Chirac et le nouveau Messie. Et, toujours sur les conseils de Jésus, dans le bureau élyséen mercredi matin, président Chirac tenta une parabole face à Nicolas Sarkozy. Vous êtes pris pour le Jésus des temps modernes, mais n'est pas le Messie qui veut. D'ailleurs, Jésus est mort sur la croix, faut pas oublier ça. Ah. Ah, vous auriez eu une fin comme la sienne, martyr et glorieux, je ne dis pas, je vous aurais préparé un très bel avenir posthume. J'aurais fait installer votre buste dans le hall de notre station. Deux ou trois ministres et un archevêque l'auraient inauguré à mes côtés, et j'aurais prononcé sur votre compte de très belles paroles. Malheureusement, vous avez renoncé à la logique de votre destin. C'est maladroit, maladroit et regrettable, c'est dommage. Sur ces mots évangéliques, président Sarkozy remercia Fissa, président Chirac, et lui demanda poliment de dégager le plancher, car désormais, c'était ici son royaume. D'autant plus qu'il fallait se mettre au travail très vite, puisqu'après avoir tant prêché sur les routes de France, il faudrait trouver une bonne quinzaine d'apôtres pour tenir les promesses engagées. C'est ainsi que certains furent écartés, alors que d'autres furent choisis pour entrer au gouvernement du nouveau Messie. Ce fut le cas, par exemple, pour sœur Christine Boutin, une miraculée. Dans les bras de Jésus, maintenant tous les jours je danse, et désormais mon existence vaut la peine d'être vécue. Dans les bras de Jésus, maintenant tous les jours je chante, pour moi la vie n'est plus méchante. Dans les bras de Jésus. Certes, Christine Boutin fait donc désormais partie des apôtres qui doivent prêcher la bonne parole. Mais ce ne fut pas le cas pour tout le monde, car soucieux de tester la fidélité de ses meilleures brebis, président Sarkozy a voulu leur faire comprendre ceci. En vérité, je vous le dis, heureux seront les derniers, car ils seront les premiers dans le royaume des cieux. Sauf que là, pour Patrick de Védian, c'en était trop. Écoute un peu, tout ça ne me plaît pas. Je te dis simplement, écoute-moi. Souviens-toi que j'ai toujours été ton bras droit. Mais tu les as fanatisés et crois que tu es le Messie. Car à toi, s'ils croient que tu mentais. Je me rappelle quand tout a commencé. Pas question de Dieu, mais d'un homme, d'un vrai. Crois-moi, Jésus, j'ai encore pour toi le plus grand respect. Cela dit, l'amertume de Devedjian fut vite oubliée par le nouveau Messie. Car dès le premier conseil des apôtres, vendredi matin, François Fillon, lui, celui qu'on surnomme déjà Pierre, a su trouver les mots justes. Tu sais que je t'aime, vois, je t'ai salué. Et je crois en toi, en Dieu, dis que je suis sauvé. Je suis avec toi, oh Jésus, je t'aime. Je ne veux plus te tuer, je veux que tu m'aimes. Que faut-il qu'on te dise pour le croire? Que tu as réussi et que tu es fort. Aussi fort que toute cette racaille qui nous terrorise et nous porte la mort. C'est ainsi que débutèrent l'écriture des nouveaux évangiles. Tout semblait donc en harmonie, sauf pour l'un d'entre eux, puisqu'hier matin, lorsque Bernard Kouchner est venu récupérer ses cartons au siège du Parti Socialiste, il a croisé François Hollande qui, lui aussi visiblement, comment dire, semblait investi par l'esprit de Jésus. Mon ami, mon Judas, joue le jeu, ne te gêne pas, courtise-moi, fais des courbettes. Que tu es mon ami, dévoué, sincère et honnête. Que c'est à la mort, à la vie, fais-toi tout humble et tout sourire. Dis-moi que j'ai un charme fou, que j'ai de la classe et du goût, et passe la brosse à reluire. Ça ne te coûte pas un sou. Ainsi soit-il. Cela dit, depuis hier soir, nous n'avons plus de nouvelles de Jésus. Mais pourtant, jeudi prochain, le 24 mai, Benoît XVI, lui, le vicaire du Christ, publie donc un livre intitulé « Jésus de Nazareth », une biographie dans laquelle, paraît-il, le pape développe une théorie très différente de la nôtre. S'il existe encore aujourd'hui, il doit vivre aux États-Unis. Il doit jouer de la guitare et coucher sur les bancs des gares. il doit fumer de la marijuana avec un regard bleu qui plane. Jésus-Christ est un hippie. Poncho mexicain sur le dos, autour de son front un bandeau. Il est barbu et chevelu, il s'est battu à Chicago. Il aime les filles au sein nu, il est né à San Francisco. Oui, Jésus-Christ est un hippie. Dans les parcs et le long des docks, il vit dans un sac de couchage. On n'arrête pas de l'arrêter pour délit de vagabondage. Au grand festival de Woodstock, c'est lui qui soigne les blessés. Oui, Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ est un hippie. Son père s'appelait Joe, je crois. Sa mère s'appelait Mary, je crois. Il a 33 ans, je crois. Le FBI lui court après, je crois. Et s'ils arrivent à le coincer, ils mettront notre ami en croix. Oh, Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ est un hippie. Oui, Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ est un hippie. Jésus-Christ tel que fut imaginé en 1970 par Johnny Hallyday. Mais attention, ce n'est pas vrai que Jésus était un hippie. En réalité, Jésus, il était juif. Parce que, comme le disait Michel Boujna, Jésus a vécu avec sa mère jusqu'à 33 ans, et en plus, il croyait qu'elle était vierge, et elle, elle croyait qu'il était Dieu. Alors forcément... Et bien maintenant, pour poursuivre notre méditation dominicale sur celui que les chrétiens appellent le Fils de Dieu, il est grand temps désormais, à 11h43, de ressusciter nos deux héros christiques, les œcuméniques Monique et Jean-Claude. En effet, jeudi dernier, jour férié, Monique et Jean-Claude sont allés passer quelques jours en Bourgogne, à Solutré, pour une petite ascension. Ils voulaient faire comme Mitterrand, la grimpette à la Pentecôte. Seulement voilà, la Pentecôte n'est plus un jour chômé désormais. Mais bon, Monique et Jean-Claude roulent donc depuis des heures, complètement paumés, quand tout à coup, ils sont surpris par un terrible orage. En plus, la jauge d'essence est au plus bas et la nuit est tombée. Il leur faut de l'aide. C'est alors que Jean-Claude aperçoit une lumière au loin. Il s'agit d'une abbaye. Ils sont sauvés. Monique est ravie et y voit un signe. Gloria, car Monique et Jean-Claude se retrouvent hébergés par des moines pour la nuit. Mais le monastère n'est pas mixte, et Monique ne peut donc pas partager la cellule de Jean-Claude. Elle aura le droit de dormir dans une chambrette à l'écart. Jean-Claude, lui, se rend en direction des cellules monacales, en compagnie d'un religieux très hospitalier. Dans les couloirs de l'abbaye, Jean-Claude tente alors de se faire bien voir par le vieux bénédictin. Eh bien moi, je trouve que, plus que jamais, la science est d'accord avec les Écritures. C'est pour ça que tout le monde est catholique maintenant. Comment ça, catholique? Oui, le monde entier. Mais, et les musulmans? Les musulmans sont catholiques, voyons. Et les juifs? Les juifs aussi, encore plus. « Le moine se dit que tout de même les connaissances du Jean-Claude en matière de religion sont très limitées. Le vieux bénédictin lui explique que non, tout le monde n'est pas catholique et que d'ailleurs, il y a de moins en moins de moines. Jean-Claude dit que c'est normal, franchement. Avec toutes ces vieilles traditions-là, il faut moderniser l'église, bon sang, pour attirer les jeunes. Et Jean-Claude soumet d'ailleurs quelques propositions. Par exemple, je parle l'hostie en tube qu'on pourrait délayer, ou alors même l'hostie sous forme de pastille effervescente qui, avec adjonction de bicarbonate, permettrait de soigner en même temps les gens qui ont l'estomac délicat. On pourrait même envisager toute une campagne en disant repas d'anniversaire, repas de communion, on a un peu trop bu, un peu trop mangé, le matin on se réveille avec une migraine atroce, l'hostie spumante et vous permet de communier en supprimant le mal de tête. Et puis même un slogan pour la publicité par affiche, j'ai loqué, j'ai trop bu, petit Jésus, je l'ai plus. L'hostie effervescente. Le bénédictin se dit que décidément ce Jean-Claude, il est à la limite du blasphème. Mais il est trop tard pour allumer un bûcher. Et en plus, dans l'abbaye, tout le monde dort. C'est ainsi que le moine conduit Jean-Claude dans sa cellule, où un petit lit de sangle l'attend. Dans cette cellule minimaliste, la seule décoration est un crucifix. Le vieux moine prend alors congé de Jean-Claude. Au nom de l'ordre des bénédictins, je m'honore de vous accueillir dans notre abbaye. Je suppose que vous devez être très fatigué après votre long voyage. Non. Pas particulièrement. Alors vous n'avez besoin de rien ? Non, merci. Eh bien, il ne me reste qu'à vous souhaiter la paix. Vous souhaitez la paix ? Jean-Claude, lui, est un peu étonné par cette formule. Bonne nuit aurait suffi. Enfin bon, Jean-Claude apprécie beaucoup cette ambiance hors du temps. Une fois seul, dans son austère cellule, Jean-Claude se sent d'ailleurs possédé par la spiritualité du lieu et il se met à genoux pour prier. Dis Jésus, bonsoir, c'est moi. Je viens prier comme autrefois. C'est entre nous, n'en parle pas. Jean-Claude demande alors à Jésus de lui faire un signe, là, tout de suite, n'importe quoi. Mais rien ne vient. Jean-Claude essaye d'expliquer à Jésus qu'il a besoin de la preuve de son existence. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Jean-Claude n'en revient pas de sentir monter en lui la flamme de la foi. Il est toujours à genoux dans sa cellule de moine, les yeux fixés sur le crucifix, et il s'adresse à Jésus. Oh, si un jour tu reviens, viens, viens, toi Jésus, le moribond, hein, c'est sûrement dans notre maison qu'on te soignera bien, bien, bien. Jean-Claude vient donc d'inviter Jésus à venir à la maison. Il se dit que c'est toujours bien d'avoir des relations haut placées. Jean-Claude est fier d'avoir trouvé la foi. C'est ainsi qu'il s'endort dans l'abbaye, l'esprit serein. Le lendemain, Jean-Claude est conduit par un moine vers le réfectoire. Il va avoir le droit et l'honneur de prendre son repas avec les moines bénédictins. Jean-Claude s'installe à leur table et demande aux moines quelques précisions sur un point très précis qui le tracasse. Est-ce bien vrai que le corps de Jésus est fait de pain ? Faites bien attention à ce que vous dites. Le corps du Christ n'est pas renfermé dans le pain. Par le sacrement de l'Eucharistie, l'hostie devient le corps du Christ. Qu'on le veuille ou non, il y a transsubstantiation. C'est tout différent. Moi, je me dis toujours que le corps du Christ est contenu dans l'hostie, comme le lièvre dans ce pâté. Comment ? Oui. Oui, je veux dire que c'est du lièvre et qu'en même temps, c'est un pâté. Mais vous n'avez rien compris. Vous parlez comme ces hérétiques du XVIe siècle, qu'on appelait précisément les pâteliers. Non, non, non, il ne faut pas dire ça. Décidément, avec ces moines, on ne peut pas dire ce qu'on veut sur Jésus. Hein. Ces histoires de transsubstantiation, là, et de mystère de la foi, tout ça, c'est bien compliqué. C'est alors que Jean-Claude, pour le plus grand bonheur des moines, tente d'expliquer que dans son esprit, la christologie, comment dire, c'est beaucoup plus simple. Quand j'étais tout petit, on me disait toujours le petit Jésus. Le petit Jésus, alors moi j'avais fini par vous voir tout petit. Et tout d'un coup, je tombe sur un grand seigneur. Vous me voyez annonçant la bonne nouvelle devant la porte de chez moi à travers le Judas? Devinez qui vient dîner ce soir. Qui? Jésus? Mais non, mais si. Vous voyez d'ici la scène? Les moines sont écroulés de rire en écoutant le Jean-Claude faire le pitre pendant le repas, et cela malgré les protestations du père abbé, qui réclame le silence. C'est sans doute juste avant le dessert que Jean-Claude a touché au divin en s'écriant « Moi je connais un fromage moelleux savoureux, c'est le chaussé aux moines. Amen. Chaussé aux moines. » Les moines n'avaient pas ri autant depuis fort longtemps. Ils veulent d'ailleurs que Jean-Claude reste avec eux jusqu'aux vêpres. Mais il est déjà temps de reprendre la route. Il retrouve Monique ainsi que la voiture remise en état par le moine mécanicien. Car il faut toujours rendre à Jean-Claude ce qui est à Jean-Claude. Au moment de partir, le père abbé, finalement ravi de la joie apportée par JC dans son abbaye, invite Monique et Jean-Claude à revenir passer quelques jours dans le monastère au mois de juillet parce que... Jésus viendra pour les vacances. Moi je ne veux pas rater la mer. On sera, je pense, un peu en avance au JMJ de la jeunesse. Jésus viendra pour les vacances. Jean-Paul n'a pas changé d'adresse. On sera, je pense, un peu en avance au JMJ de la jeunesse. Voilà. Fin de la parabole. On sait donc maintenant que Jésus passe ses vacances dans une abbaye bourguignonne. Sur la route, pavée de bonnes intentions, Jean-Claude sourit béatement. Et quand Monique lui demande ce qui lui arrive, ben Jean-Claude, il lui raconte tout ce qu'il a appris dans cette abbaye. Quand il reviendra, il fera grand jour. Personne n'avait voulu de lui. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Et haut de la croix, indique-nous le chemin, toi qui le connais si bien. Toute sa vie, il prêchait le bonheur, la paix. Le bonheur, la paix. La bonté, la justice étaient sa loi. Quand il reviendra, il nous pardonnera, comme il l'avait fait pour Judas. Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Du haut de la croix, indique-nous le chemin, toi qui le connais si bien. Sur notre terre, sur notre terre, il donnera à manger à tous nos frères, à tous nos frères. Car comme un canin, il multipliera le pain et le vin sur la terre. Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Du haut de la croix, indique-nous le chemin, toi qui le connais si bien. Jésus revient parmi les tiens. Du haut de la croix, nous suivons le chemin, pour jamais faire le bien. Hey, Jésus revient, c'est ce qu'espérait en 1988 le père Patrick Bouchitet sur la bande sonore du film d'Étienne Chatillaise, La vie est un long fleuve tranquille. Ou alors un hebdomadaire chrétien, ça dépend. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre pèlerinage sur les traces de Jésus. De l'Annonciation à l'Ascension, des Journées mondiales de la jeunesse à la Journée monacale du Jean-Claude, et de Sarkozy, Messi à Kouchner, mais non, nous t'avons dressé un panorama incomplet, bien sûr, mais aussi totalement subjectif du Fils de Dieu. Alors, pour finir, il faut savoir qu'au Mangin Palace, toute l'équipe a reçu une très bonne éducation et on nous a appris, entre autres, qu'il ne fallait jamais parler de religion ni de politique à table. Du coup, nous savons bien que ce matin, nous avons pu heurter